Un peu dead. C'est quoi ça? Mais on peut pas faire une chanson entière comme ça sur Ninja, je pense pas. Il y a trop de mesures. Bon, si vous voulez, on peut faire un autre refrain. Moi, mon titre préféré de Balawan, c'est un titre qui est pas connu du tout. C'est un titre pas connu du tout, je vous jure. Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui doivent connaître cette chanson. Moi, je l'aime. Écoute, ça faisait ça. Alors, attends, ça faisait. Il faut vraiment que... J'essaie de la trouver dans un petit coin tranquille. Faudrait vraiment que j'ai. Est-ce que vous connaissez celle-là? Attends, ça fait... Sans do, ça va pas assez vite là. Attends. Attention. Attends, juste petit refrain, juste le couplet. Il faudrait vraiment que je te fasse un jeu. Qu'ici c'est la révolution. Que tout le monde fout en l'air les poubelles de la région. Celle-là, mais elle était pas du tout jouée comme ça. Il faudrait vraiment que je. Comment il dit, faut vraiment que je dise à Angers. Non. Faut vraiment que je dise à Angers. Qu'ici c'est la révolution. Bon, enfin, on va pas faire ça. Hein. Allez, un Balawan ou un Michel Berger intime. On doit pouvoir faire un. Ah ouais, il y a un autre truc aussi qui était bien. Thank you. Je m'en rappelle plus le... Attends. Les paroles, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Ouais, le titre. C'est Robin Williams. Phil, ok. Allez, moi, je suis partant. Paroles, je cherche les paroles. Chaque fois que je cherche les paroles, il y a plein de publicités.